On va parler, les Huskies de Rouyn-Noranda ont rendez-vous avec l'histoire ce soir alors qu'ils vont tenter de battre le record des éperviers de Sorel et qui date de 1974-1975. Ils vont y aller pour une 26e victoire consécutive, ce serait un record. On en parle avec le descripteur radiophonique des Huskies de Rouyn-Noranda, Jean-Paul Charlebois. Salut Jean-Paul. Salut. Jean-Paul, 26 victoires consécutives. Qui aurait dit ça au début de l'année? Les Huskies, est-ce qu'on la voyait comme une équipe vraiment là, dominante? On sait que c'est, moi, j'appelle ça les Huskies, je les appelle les nouveaux Olympiques de Gatineau, tu sais, des années 90. Les Olympiques étaient toujours compétitifs. Les Huskies, c'est la même affaire, là. Est-ce qu'on les voyait vraiment aussi dominants que ça? Non, moi, ben, je parle pour moi, là, honnêtement, ouais. Non. Moi, je les voyais peut-être dans les cinq meilleures équipes de la Ligue, là, dans le top 5, là, mais. Aussi bon que ça, là, honnêtement, non. OK, OK. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année? Moi, je pense que quelque part, j'écoutais Michael Lancette hier au partant. Il disait, et j'écoutais Mario Pouliot hier au 98.5, il disait, on prend des joueurs qui sont dédiés à la cause, c'est la base même de l'équipe, là. Des joueurs peut-être moins talentueux au repêchage, qui sont un petit peu classés bas, mais des bons individus, et on sait qu'ils vont s'adapter au plan de match des Huskies. Est-ce que c'est le même qu'on voit ça aussi? Ouais, ben je pense que oui, là. Je pense que ça résume bien la philosophie de l'équipe. Là. C'est au repêchage, mais en fait, je dirais pas des choses là qui sont bien différentes de des autres équipes, là, parce qu'en réalité, ce qui nous différencie, je pense, si on regarde les alignements des équipes cette année, là, puis au cours des dernières années, si souvent je regarde ça, c'est que on a beaucoup de joueurs qu'on a repêchés et qu'on a, je dirais, on va utiliser le terme élevé, là, c'est pas des animaux, là, mais qu'on a gardé dans l'organisation, qu'on a formé, qu'on a développé. Okay. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous distingue, là. Par exemple, cette année, on a 20 joueurs sur 23 qui ont été repêchés par nous ou invités. Il y en a deux invités là-dedans. C'est des gars qu'on a trouvés, là, dans le hockey collégial qu'on a amené avec nous, là. Fait que 20 sur 23, ben, ça explique peut-être quelque chose. On aussi, on a deux bons euros. On n'a pas d'Ontariens, on n'a pas d'Américains, mais des gars qui sont élevés dans la culture de l'équipe. La transmission de la culture de l'équipe d'année en année se fait très bien par un bon noyau de joueurs, de vétérans. OK. Et surtout que ça a bien parti, cette organisation-là. C'était André Tournier qui avait commencé. Ouais. C'est ça. Après ça, c'est Gilles. Après ça, Mario Pouliot. C'est vraiment quelque chose, là, d'année en année. Moi, je pensais qu'avec le départ de Gilles, qu'elle allait avoir une baisse de régime, mais non, pas du tout. Ouais. On a été chanceux. On est allé rapatrier Mario Pouliot. Mario, ouais. Pouliot, qui a été avec pendant quoi 3-4 ans. Mario était ici comme entraîneur adjoint, donc il était imbibé de cette culture-là, lui-ci. Là, fait qu'on était chanceux que lui soit disponible. Mais savez-vous quoi, si ça n'avait pas été Mario Pouliot, ça aurait pu être Mario Duhamel. Okay. C'était lui aussi qui était dans nous. Fait qu'il y a un peu de chance dans tout ça aussi, là. Ben oui, c'est sûr qu'il y a un peu de chance. Mais dites-moi, est-ce que Noah Dobson s'est bien acclimaté, parce que c'était pas facile, c'est un anglo. Rouyn-Noranda, c'est un peu comme jouer à Chicoutimi. Est-ce que Dobson s'est bien acclimaté à l'équipe? Ah oui, tout à fait. Il s'est intégré très, très, très rapidement ici. Faut dire que il y a déjà un gars qu'il connaissait, là, au sein de l'équipe, qui est Tyler Einem, là, qui est un gars de la Nouvelle-Écosse. Ce sont des gars qui se connaissaient bien. Puis son intégration, là, ça s'est fait très, très rapidement. Et puis il est très heureux ici. OK. Dites-moi, Jean-Paul, 25 victoires consécutives, c'est beau, mais moi, il y aurait quelque chose qui m'inquiéterait un petit peu, c'est d'avoir atteint le pic trop vite. Moi, c'est une affaire que je crois beaucoup, le pic dans le sport. Est-ce que ça peut être quelque chose qu'on peut craindre du côté des Huskies? Pour moi, Danny, c'est ton nom, c'est Danny? Oui, c'est ça, oui. Danny ou Denis? Danny. Pour moi, l'histoire du pic dans le sport, là, c'est dans les sports individuels. Dans le sport collectif, je crois pas ça. OK. À part de ça, tu sais, mettons que les Huskies gagnent leurs 5 derniers matchs d'ici la fin de la saison. est-ce qu'ils vont avoir atteint leur pic trop vite? OK, ouais. S'ils perdent leurs cinq derniers matchs, okay. Ben, ils sont en train de leur pic. Mais, je veux dire, ils sont dans leur pic depuis le début de la saison. Est-ce qu'il a pas connu, il a connu une séquence de deux défaites consécutives dans toute la saison? Il est où le pic, là? Ouais. Je comprends pas cette question-là. Mais je veux dire, tu sais, c'était quelque part, en tout cas, moi, tu sais, le pic, ça veut dire que peut-être atteindre peut-être le summum trop rapidement, puis arriver dans les séries, parce que, tu sais, il peut avoir une moyenne de défaite, ça peut arriver, ça, là. Oui, c'est certain, parce que tout peut arriver, on peut avoir une série de blessures, on peut avoir des suspensions, on peut avoir toutes sortes de choses, mais on voit pas ça comme ça chez les Huskies, et puis les gens ont de la difficulté à croire ça. On regarde pas dans un mois, dans trois semaines, là. On regarde ce soir, okay. Ce soir, première période, ça. C'est comme ça, c'est depuis le début de l'année, c'est comme ça, puis en 2015-2016, quand on a gagné la Coupe, c'était la même chose, okay. C'est le même climat, moi, j'ai vécu, là, puis je vous le dis, honnêtement, c'est le même climat. C'est la même façon de faire. Okay. Le pic, là, s'asseoir, le pic. Ouais. Match par match, quoi. Mais c'est tout un match à soir, hein, contre les Voltigeurs de Drummondville, Maxime Comtois qui va être faire un retour. Là, Nicolas Baudin, on ne sait pas s'il va être en uniforme. Ça va être. Mettons que s'il l'emporte, ils vont l'avoir gagné, là, vraiment, là, parce que les Voltigeurs à Drummondville ne sont pas faciles à battre non plus. Là. Non, mais effectivement, là, j'entends dire que peut-être que Olivier Rodrigue soit blessé, ouais. Baudin, McLeod, et puis il y a le défenseur Michael Ivan qui n'est pas là non plus. Mm. Donc, ils ont quatre gros joueurs qui sont possiblement pas là. Mais de notre côté, on a Jakub Larko qui est un compteur. Il y a 21 buts, mais si vous mettez ça sur une saison complète, c'est un compteur de 30 buts. Mm. Et puis Marlowe, qui est un troisième trio, qui a une saison de 14 à 20 buts. La semaine passée, les gens ont fait grand état du fait que Maxime Comtois ne jouait pas de même que McLeod, mais nous autres, il nous manquait l'Arco. Faut pas regarder ça comme ça, je trouve. Ça va jouer sur la glace. Bon. Ben, Jean-Paul, on va te souhaiter la meilleure des chances. Ce serait vraiment une page d'histoire qui va avoir lieu ce soir dans la Ligue de hockey junior du Québec. Et malheureusement, le match n'est pas été diffusé. C'est sûr qu'il y a l'histoire d'Alec Reed, là, mais quand même, je pense que on a manqué quelque chose de bon ce soir. C'est un rendez-vous avec l'histoire que les Huskies vont voir. Surtout que le match est à Drummondville. C'est pas plus compliqué moins compliqué qu'aller à Rouyn-Noranda, quoi qu'il en soit. Oui. On aurait aimé ça le voir à la télé. On va le regarder sur le web. Oui, effectivement. Jean-Paul Charlebois, descripteur des matchs des Huskies. Un gros merci pour on s'en reparle. Ça fait plaisir. Bye-bye. Descripteur radiophonique des Huskies, Jean-Paul Charlebois.